Quel âge elle a ? 2. Tu prépares ce gâteau comment ? 3. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? 4. Tu pars en vacances quand ? 5. Comment on prononce ça ? 6. Combien de fois nous l'écoutons ? 7. Ça s'écrit comment ? 8. Pourquoi vous acceptez ?